Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Irène et ce mois-ci, je reçois Agatha Liévin-Bazin. Dans la première partie de cet épisode, Agatha nous a parlé de son parcours universitaire et professionnel, de son doctorat et de son passage de la recherche vers son activité actuelle de vulgarisatrice scientifique. Si vous n'avez pas écouté cette première partie, je vous recommande de le faire avant d'attaquer cette deuxième partie. Ici, Agatha nous parle de son éducation dans un sens plus large, mais aussi de choix déterminants dans sa vie. Bonne écoute ! La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir le choix dans ton parcours scolaire ? C'est une question difficile parce que je me souviens que quand j'étais collégienne, donc en quatrième, en troisième, il y avait des salons où on était censé nous montrer les métiers et des éthologues, ça courait pas les rues. J'étais souvent un peu frustrée de pas rencontrer des gens qui pouvaient me donner des infos et pourtant je me souviens que j'ai cherché les infos. Hein. Même quand j'étais plus vieille en master 1 à Paris, j'étais allée aussi pour voir les différents cursus, les master 2, etc. Et ouais, les infos, je les ai eues sur le tard, quoi. Un des éléments de mon parcours que je regrette le plus, même si au final, bon, le résultat n'aurait pas changé grand-chose, c'est que par exemple, ma licence que j'ai fait à Reims était une licence de biologie générale. C'était une licence BCP, comme on disait, biologie cellulaire et physiologie. Après, je suis allée à Reims parce que c'était la ville universitaire la plus proche de la ville de mes parents. J'ai eu mon bac à 17 ans, donc à 17 ans et demi, il fallait aller à la fac. Je suis allée au plus près. C'est là aussi où j'ai tous mes amis de l'époque, voilà. Le fait est que c'était sans doute pas la licence la plus adaptée à ce que je voulais faire. Moi, je voulais vraiment faire de la biologie, de l'écologie, axer le plus possible sur la biologie animale. Et à Reims, même si c'était une formation tout à fait honorable, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient beaucoup moins. Et j'ai appris vraiment sur le tard, une fois que j'étais déjà moi-même en fin de licence, qu'il y avait des licences de biologie qui s'appellent biologie des organismes et des populations, qui est beaucoup plus axé, écologie, animaux, etc. Et il y en avait par exemple à Lille. Bon, c'était à 2 heures de route, et pas à une demi-heure. Je regrette pas, mais c'est juste que, en physio, il y avait des cours qui me bottaient pas, où il y avait des fois aussi des manipulations d'animaux, et bon, qui n'étaient pas dans le sens que j'aurais aimé. Je vais m'inspirer pour la prochaine question de ce que tu as écrit sur ton parcours dans ta foire à questions, dont on a déjà un peu parlé dans l'épisode 1. Tu as écrit « Je n'étais pas du tout une scientifique dans l'âme, et j'ai pas mal souffert de devoir bachoter les maths, la physique et la chimie au lycée et à la fac pour arriver à mes fins. » C'est quelque chose qu'on retrouve parfois au début des études. Les jeunes étudiants pensent qu'ils vont enfin pouvoir étudier ce qui leur plaît, et en fait dans beaucoup de domaines, il faut encore passer par des matières qu'on n'aime pas forcément, surtout les maths qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. Comment on s'en sort quand on a des matières bêtes noires comme ça? Moi, j'ai un peu serré les dents quand même, hein. On va pas se mentir. Parce que depuis gamine, alors déjà, j'ai un problème tout à fait personnel avec les chiffres et les maths. Mais c'est un truc tout con, mais j'ai un blocage stupide qui fait que mon cerveau, dès que j'ai des mathématiques, me dit que je suis trop bête pour comprendre. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ça depuis très longtemps. J'ai quand même réussi à valider un bac S avec 10 en maths au bac, ce qui n'est pas transcendant, hein, mais ça fait le job. Et ouais, ça a été compliqué parce que c'était vraiment pas mon truc. Puis physique, chimie, il y a quand même aussi beaucoup de maths dedans, hein, on va pas se mentir. Donc moi, c'était vraiment la bio, les animaux, mon délire. Donc j'ai dû vraiment me faire violence pour ça. Et même en licence, je me souviens, la première année de fac de bio, moi j'étais toute contente. Je me dis, allez, ça va être de la bestiole à gogo, je vais m'éclater. Non, pas du tout, quoi. Je me souviens, le premier semestre, physique, chimie, maths, j'étais là. Oh. Mais bon, j'ai pris mon mal en patience, j'ai travaillé plus. Moi, je suis un peu une laborieuse, c'est-à-dire que j'y passe le double du temps s'il faut, mais j'essaye de sauver les meubles comme je peux, avec ma logique qui n'est pas du tout mathématique. Puis après, plus tard, parce que du coup, arrivé en master d'éthologie, là, quand même, je faisais quand même majoritairement du comportement animal, donc même s'il y avait des statistiques auxquelles j'ai malheureusement pas compris grand-chose, pour ce qui est de la thèse, du coup, pour la partie statistique, j'ai fait ce que j'ai pu, et quand j'ai senti que j'atteignais les bornes de mes limites, j'ai fait appel à d'autres gens qui étaient plus qualifié que moi. Donc c'était vraiment ça, moi, ce que j'ai fait. Mais après, voilà, pendant tout mon cursus universitaire, ouais, j'ai bachoté. Alors, certains avec succès, hein, j'ai réussi à m'en sortir, maths physique, biochimie, même si c'était pas facile. Mais j'ai aussi eu des énormes plantades. Hein, Il y a une autre discipline à laquelle on pense pas forcément quand on pense à ce que fait un scientifique ou une scientifique, c'est l'anglais, qui est indispensable pour lire des articles scientifiques et en écrire soi-même. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est vrai que moi, plus jeune, les langues, j'ai toujours aimé ça. Même si l'apprentissage de l'anglais au début s'est fait quand même un petit peu de manière houleuse, parce que j'ai pris allemand première langue. Donc j'adorais l'allemand, j'adorais ma prof d'allemand. Et quand je suis arrivée en quatrième, bon, j'avais un prof très rigolo, vraiment le prof d'anglais parfait, mais je ne comprenais rien à la logique de la langue anglaise par rapport à l'allemand, ou alors qui peut paraître un peu rigide, mais qui avait des déclinaisons. On commence, on nous balance doux et doux. Le verbe doux veut tout dire et rien dire. Et là, mais quoi? Mais ça n'a aucun sens. Donc le début, quand j'étais colonienne, a été un peu houleux. Et puis après, j'ai très vite aimé ça, mais aussi parce que, bon, je suis vieille, on l'a déjà dit, mais en gros, il y avait Internet. Et je me souviens que, par exemple, quand j'étais en quatrième, troisième, j'étais à fond sur certains jeux vidéo. Par exemple, j'adorais le jeu Kingdom Hearts. Et je cherchais des informations sur la sortie du prochain jeu. Il y en avait encore beaucoup qui étaient en anglais. Donc j'ai appris des mots comme ça, cherchant des infos pour mes loisirs, grâce à l'anglais. Clairement, là où je me suis améliorée en anglais, c'est quand je suis allée en Allemagne, parce que ma chef me parlait en anglais, mes collaborateurs étaient de plein de pays différents, j'étais avec une amie allemande, une amie polonaise, donc du coup, tout le monde parlait en anglais entre eux. Et quand on est immergé que avec des gens qui parlent une autre langue, on est forcé de s'améliorer, donc... Mon anglais parlé s'est amélioré à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment l'expérience du terrain qui m'a fait aimer l'anglais. Mais après, moi, j'avoue, j'aimais ça. Enfin, ça n'a pas été une souffrance de me mettre à l'anglais. Et surtout, l'un des trucs qui m'a le plus motivée pendant ma thèse, c'était les colloques. C'était d'aller aller rencontrer des gens, parler, échanger. Parce que j'adorais ces rencontres. Je trouvais qu'il y avait une émulsion extraordinaire. Et je pense que ça m'a poussée aussi à aller vers l'autre et à devoir parler anglais, du coup, pour rencontrer ces gens et échanger. Et niveau lecture des articles, au-delà de la barrière de l'anglais, il y a des gens pour qui c'est la croix et la bannière, par exemple. Il y a d'autres qui adorent ça. Toi, tu te situais où déjà ton rapport à la lecture dans ton parcours éducatif et quand il a fallu lire des articles scientifiques qui sont un peu moins fun à lire que de la fiction, souvent. C'est vrai que déjà, je lis beaucoup. Dans mes temps de loisirs, la lecture, ça prend une grosse part du temps que j'y alloue. Je pense que au début, comme tout le monde, on galère un peu. Et puis le matériel et méthodes, c'est quand même pas toujours du fun, hein, on va pas se mentir. Je me souviens qu'en master, on avait eu des initiations. On avait un cours d'anglais en master avec un professeur qui était le plus démotivé du monde. Mais il nous avait forcé à prendre des articles courts de 5 pages. Et je m'étais rendu compte que finalement, il pouvait y avoir des articles courts et qu'on avait quand même des connaissances intéressantes. Et c'est venu comme ça, petit à petit, peut-être... Après, moi, je crois que le côté connaissance qu'on retire, même si la lecture est fastidieuse et pas toujours drôle, après, on va pas se mentir, des fois, on va pas trop dans le détail technique de la chose, mais je crois que le côté découverte, apprentissage me galvanise assez pour que la partie un petit peu barbante de le lire passe outre. Après, il faut vraiment que ce soit un sujet qui me botte. Si je vais sur un sujet... si c'est sur des bestioles, des animaux, je vais faire l'effort. Si c'est sur vraiment des choses qui sont dans ce qui m'intéresse et dans mon domaine, voilà. Mais ouais, globalement, j'aime lire, j'aime apprendre des choses, du coup, je pense que je le mets pas trop dans le côté tard, quoi. Moi, j'aimais bien le côté biblio dans la thèse. D'ailleurs, j'ai commencé une bonne partie de ma thèse à lire des articles sur une expérience que je n'ai d'ailleurs jamais pu faire, mais j'ai passé peut-être 2 mois à lire des choses sur le sujet et je trouvais ça assez chouette de compiler tout ça à la fin, quoi. Maintenant, on va quitter un peu les bancs de l'école ou du système scolaire et universitaire, et on va parler d'éducation de manière un peu plus générale. Quels sont les éléments qui, selon toi, ont contribué à ton éducation en dehors de l'école ? Clairement, ma famille. Ma famille qui est très portée... mes grands-parents maternels étaient tous les deux instituteurs. Déjà, ça joue, je pense, d'avoir ce rapport-là. Et ils ont toujours élevé comme quelque chose de très important la curiosité. Mon grand-père et ma grand-mère, qui sont toujours de ce monde, heureusement, dès qu'ils ont un doute sur quelque chose, ils sautent sur leur encyclopédie et ils vont fouiller des choses. Et je pense que j'ai grandi avec cette vision-là, quoi, de se dire que on apprend tous les jours quelque chose, que c'est quelque chose pour lequel on prend du plaisir. Donc clairement, ça a contribué à ça. Et mes parents m'ont ils m'ont clairement poussé à aimer les animaux, parce que j'ai grandi dans une maison où même si bah, on avait un aquarium, j'avais un chat, mon père lui-même enfant a plus ou moins grandi dans la forêt, ma mère a aussi grandi avec des chats chez elle depuis toute petite, donc... Et j'ai le souvenir très tôt, quand j'avais 5-6 ans, de ma mère qui, le soir, me lisait pas tout. Elle me lisait aussi des histoires d'enfants et des albums illustrés, mais elle me lisait par exemple La Faune, qui était une encyclopédie en 10 volumes que mon père avait reçu lui-même enfant de son grand-père, sur des animaux d'Afrique. Et je garde l'odeur du vieux livre avec ma reliure en cuir. Voilà, ça reste une Madeleine de Proust. Et puis j'étais fascinée par les photos, les dessins d'animaux. Donc j'ai passé à peu près, je pense, toute mon enfance à lire des livres d'animaux, à regarder des docu Arte sur les animaux, à regarder des insectes dans les jardins. Ouais, c'est clairement un héritage familial, je pense. Maintenant, depuis même quelques années, on peut dire, tu contribues toi-même à la transmission des connaissances, donc à l'éducation. Est-ce que ça a changé ta vision de ce que c'est que d'éduquer ? Est-ce que tu as une opinion particulière ou un ressenti particulier là-dessus qui a un peu changé par rapport à quand c'était toi qui étais sur les bancs et qui écoutais d'autres gens t'instruire ? Bah, c'est compliqué parce que, outre que je sois passée de l'autre côté du bureau, ce qui a beaucoup changé aussi, ce sont les technologies. Ça peut sembler un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai que maintenant on a des façons de transmettre le savoir qui sont différentes. C'est vrai que maintenant on a YouTube, on a les vidéos, on a des choses très visuelles qui... à mon sens, si elles sont bien utilisées, peuvent être très efficaces pour faire passer un message. Et c'est des choses que moi, enfant, il y avait beaucoup moins. Il y avait les docus à la télé, mais il n'y avait pas cette mine de d'infos. Moi, je me souviens quand j'étais gamine, alors j'ai eu un ordinateur assez tôt chez moi, quand j'avais peut-être 9 ans, et on avait une encyclopédie qui s'appelle Encyclopédie Universalis, et dans l'une des premières versions, je pense que c'était ça devait être Universalis, genre 2000, donc un truc comme ça, il y avait des vidéos dessus. Et je me souviens que ça m'avait mais chamboulé, parce que notamment il y avait une vidéo d'un thylacine, qui est un loup marsupial qui n'existe plus, qui a disparu au début du XXe siècle. Et ça m'avait vraiment marqué de se dire waouh, c'est un animal qui n'existe plus, on a une vidéo, je peux voir cette vidéo. Enfin, c'était waouh! Enfin, et je pense qu'aujourd'hui, on peut. Apprendre des choses, ça peut toujours être fun, mais il y a des moyens plus ou moins dynamiques, interactifs de le faire. Et je pense qu'on a des nouveaux outils aujourd'hui. Maintenant, en plus, genre, il y a les live Twitch, il y a pas mal de choses qui sont développées en distanciel, notamment avec la Covid-19, qui font que les façons de transmettre le savoir peuvent être différentes. Après, moi, j'avoue, je trouve que une bonne vieille maquette, ça marche quand même toujours super bien, quoi. Je pense qu'il y a des choses vraiment physiques, tactiles, qui marchent très bien pour susciter l'émerveillement. Mais je reste assez persuadée qu'il faut du fun, il faut un peu de la magie pour marquer les gens, quoi. Et là aussi, je suis chanceuse parce que, après, c'est peut-être moi qui suis biaisée, mais je trouve que le monde animal est tellement merveilleux qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour fasciner les gens, quoi. T'as dit plus tôt que dans ton parcours, t'aurais aimé faire une autre licence. T'as cette étape dans ton parcours que peut-être t'aurais aimé changer. Est-ce que, à l'inverse, il y a des choix cruciaux, déterminants, que tu referais à tout prix, ou tu te dis, celui-là, c'est vraiment le truc qui m'a poussé sur la voie actuelle, si tu pouvais rembobiner ton parcours? Bah, clairement, je pense que un de mes choix qui a été le plus déterminant, c'est quand je suis arrivée au laboratoire de Nanterre pour mon premier stage de Master 1. Avec les perroquets gris du Gabon, et ça a été déjà mon premier stage de recherche dans un laboratoire, donc ça a été déterminant, parce que j'ai vu pour la première fois comment c'était, parce que là aussi, quand on dit laboratoire, les gens s'imaginent tout et n'importe quoi, ils imaginent de la torture, des trucs horribles, alors que pas du tout, hein. Moi, quand je suis arrivée, il y avait des perroquets qui volaient en liberté dans les couloirs, qui dormaient sur l'épaule de ma directrice de stage, enfin, c'était tout autre chose. Et ce stage a vraiment été, je le vois vraiment comme une bulle enchantée, parce que déjà tout le monde a été très gentil avec moi. Je me suis fait des copains, copines avec les autres stagiaires du même âge qui étaient avec moi en même temps. Et puis la rencontre avec les perroquets, ça a vraiment bouleversé ma vision des choses. Je dirais même ma vision du monde, parce que avant ça, les oiseaux, je les regardais en naturaliste amatrice par ma fenêtre en disant c'est joli, ça chante, c'est cool parce que les oiseaux on en voit partout, même en ville. Mais quand j'ai compris les relations qu'on pouvait avoir avec un perroquet, leur intelligence, leur personnalité, ça a vraiment chamboulé ma façon de voir les choses, je pense. Et de se dire que des animaux que, habituellement, on prend pour bêta ou auxquels on ne s'intéresse pas, ben, sont des êtres passionnants avec une vie émotionnelle et une vie, quoi. Un perroquet, ça peut vivre 40, 50 ans. Enfin, il se passe plein de choses dans leur vie, il faut le prendre en compte, quoi. Et ouais, ce stage m'a vraiment montré plein de choses, m'a montré les coulisses de la recherche, comment on faisait de l'éthologie, les liens sociaux, rencontrer des gens. Enfin, ça a vraiment été... je pense que ce stage, c'est vraiment ça qui m'a dit « Ok, tu as fait une thèse. Tu vas souffrir peut-être, sans doute, mais il faut que tu ailles au bout de ton processus, il faut que tu continues sur cette voie avec les oiseaux, l'intelligence des oiseaux, le labo, la recherche, c'est ta voie. » Merci pour toutes tes réponses. Je crois que tu as une actualité à venir prochainement, puisque tu vas publier un livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait, c'est vrai que là en 2020 j'ai pas pu beaucoup partir à la rencontre des gens, donc j'ai fait un travail un peu solitaire qui est celui d'écrire des livres, et le premier qui va sortir de ce travail sort début mars 2021, s'appelle « Les sociétés animales » aux éditions Circonflexe, et donc c'est un livre à destination du jeune public, 8-10 ans, mais j'ai essayé de le rendre fun et accessible à tout âge, et le de présenter différents systèmes sociaux chez des animaux très divers, des poissons aux oiseaux, en passant par les mammifères, les insectes, et de voir qu'il y a plein de façons différentes de vivre ensemble, de s'entraider dans le monde animal. D'accord. Et est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeuristes qui ne te connaîtraient pas encore, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur l'internet mondial en regardant mon site, mon blog qui me sert de plateforme principale, c'est lenidepie.com. Il y a plusieurs réseaux sociaux associés si ça vous branche davantage, sur Twitter, Instagram, Facebook. J'essaye de poster mon émission radio sur YouTube, mais il faut que je m'y mette sérieusement, donc je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. Et c'est là que vous retrouverez tout ce que je raconte, à peu près. Merci beaucoup, Agatha, pour ton temps et pour avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, c'est la fin de notre entretien avec Agatha Livin-Bazin. On espère qu'il vous a plu, et on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram ou à envoyer un mail à Je Science Donc Je Suis. Nos coordonnées sont dans la description de cet épisode. Vous pouvez également jeter un coup d'œil à notre tout nouveau site. À bientôt dans les voies de la science !